Attention les copains, planquez-vous, la horde a encore frappé. Mesdames, messieurs, bonsoir. Et voici les principaux titres de l'actualité de ce jour. Allez, la frangine, allez, faire des charrions.